venez entendre Winter Frosty Frolics par G. Slicer dans cette émission spéciale Double the Trouble du Mathieu Plante Show. Continuons avec Low Life Treetop Tumble par The Vagrants. Ensuite, Blast Beat Down Nuts and Bolts par Tefnec Zircon. Et finalement, Intoxica Pokey Pipes par Radio War. We'll be right back. C'était Intoxica Pokey Pipes par Radio War. Dans cette émission spéciale Double the Trouble du Mathieu Plancheau, on écoute la compilation au complet à partir du CD2 jusqu'au CD5. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger la compilation sur dkc3.ocremix.org. Continuons avec les pièces 7, 8 et 9. Water Warped, Water World par G Slicer, The Scarborough Joker. Ensuite, Can Boss Us Around, Robot Anarchists from Hell Mix par Boss Boogie, Hoboka et Flex Style. Et finalement, Crematoa Inferno, Mill Fever par Matthias Agström Gert. Au Mathieu Planchon sur C'est Fou. C'était Crematoa Inferno Mill Fever par Matthias Agström Gert dans cette édition spéciale sur la musique de Donkey Kong Country 3 Dixie Kong's Double Trouble. On est rendu aux pièces 10, 11 et 12 du CD2. Commençons avec Wrinkly's Nightcap, Wrinkly 64 par Doc Nano. Suivra The Mighty Jungle Chase par Jason Covenant et finalement XYXXBABY Crystal Chasm par Ross Kemet. On va se plancher sur ces fous. In a land untouched by time lives the life that man has forgotten, where the primitive struggle against nature and and danger is the only rule. This is the Mighty Junglo. Junglo. C'était XYXXBABY Crystal Chasm par Russ Kmet. Dans cette émission spéciale du Mathieu Planchot, on écoute la musique de Donkey Kong Country 3. On est rendu aux pièces 13, 14 et 15. Commençons avec Breaking the Crystal Key Mama Bird par Theophany. Ensuite, Afterburn Rocket Run par Soul Signal. Et finalement, Bring the Noise Big Boss Blues par Blue Magic. Au Mathieu Planchot, sur C'est Fou. Thank you. On vient d'entendre Bring the Noise, Big Boss Blues par Blue Magic, la 15e pièce du deuxième CD de Donkey Kong Country 3 Double the Trouble. Il nous reste seulement 3 pièces sur le CD 2 avant de passer au prochain. Devinez quoi, le CD 3. Il y aura Friendships Through Dark and Light, entre parenthèses Crazy Calypso Crystal Chasm par Vampire Hunter Dan. Ensuite, Return to Kong, Bye Bye Baddies, Baddies on Parade, Crazy Calypso, Pokey Pipes par Josh Welchel. C'est entre parenthèses, c'est le nom des pièces qui ont inspiré le titre. Et finalement, Till We Meet Again, Game Over par DCD. Au Mathieu Plante Show sur C'est Fou. C'est là-dessus que se termine le CD 2 Crème Ottawa. On vient d'entendre Till We Meet Again, Game Over par DCT. On va marquer dans le troisième CD. Il y en a cinq en tout. Ça passe quand même assez vite. On va seulement passer trois petites émissions là-dessus. Donc, pas grand-chose, hein, pour moi. Disque 3, qui s'appelle Nautilus. On va commencer avec un bloc de trois pièces. Nautilus Title Theme Game Boy Advance par Theophany. Ensuite, Treehouse Campfire Treetop Tumble Game Boy Advance par Level 99. Et finalement, Pina Crimlada Northern Chromosphere Game Boy Advance par Hillian Lemon. Vous aurez remarqué qu'on embarque dans la trame sonore de Donkey Kong Country 3 sur Game Boy Advance, qui est une trame sonore complètement différente du jeu d'origine. Donc, on écoute le début du troisième disque au Mathieu Plancho sur C'est Fou. Thank you. à Crimlada, Northern Chromosphere Game Boy Advance par Hylian Lemon dans cette édition spéciale Double the Trouble. On est rendu dans la trame sonore sur Game Boy Advance qui est complètement différente et vraiment très très bonne elle aussi. On va entendre les pièces 4, 5 et 6 à l'instant. En quatrième, c'est Thump Brothers, Brothers Bear Game Boy Advance par Flexstyle. Ensuite, Accident Mountain Rescue by Skies and Glory, Frosty Frolics Game Boy Advance par Protodome. Et finalement, Parties Over There, Bonus Time Game Boy Advance par OA et Dragon Avenger. Vous êtes au Mathieu Plancho. Assez fou. Everybody's Over There, Bonus Time, Game Boy Advance par OA et Dragon Avenger. On est rendu aux pièces 7, 8 et 9 de cette compilation Donkey Kong Country 3 Double the Trouble. On va écouter les 7, 8 et 9. En 7e, Ripsaw Boogie, Tree Top Tumble, Game Boy Advance par Ilpo. Ensuite, The Paper Chase, Chase Game Boy Advance par Diggy Diss. Et finalement, Funky Streaks, Funky's Game, Game Boy Advance par Malkos. C'est toujours Mathieu Planchot sur site. We'll be right back.